Épisode 4, Memory, 24 décembre. Il n'y a pas de neige aujourd'hui. Cela fait des années qu'il ne neige plus. Il me manque cette douceur, cet apaisement que vient déposer la neige sur l'asphalte. Les flocons comme des scintillements, comme des souvenirs. Noël, c'est la ville recouverte de sucre glace. C'est toi et les enfants agenouillés autour du sapin. Je regarde à travers le carreau de la fenêtre et n'y vois rien. Image diluée derrière la buée. Macha, ma chérie, qu'as-tu demandé au Père Noël ? Un chien, du maquillage, un piano électronique, une peluche de koala, des feutres, des bonbons, des Barbies, une trottinette, un mémoire. Oh là là, la liste est longue, hein. Il aura de quoi faire le Père Noël. Oui. Mais qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ? Tout ! Bon, d'accord, je vais en parler au Père Noël. Merci, mamie. Allez, à demain, ma douce. Passe-moi ta tata. Oui. Demain, rendez-vous à 20h avec le champagne. Oui, Tom se charge de l'apporter. Je vais faire les courses, ma petite chérie. Je vais faire une bûche au chocolat blanc pour le dessert comme tu aimes, tout plein de crème et d'amour. Merci, ma petite maman. Tu as demandé quoi au Père Noël ? Je voudrais bien des photos. Des photos ? Oui, je voudrais que tu m'offres un album avec une sélection de photos de ton choix. De quand on était petit. J'ai rien chez moi. Tati Laura ! Maman, je dois te laisser, la petite me réclame. Bye ! Bisous ! Laura est bas haut sur la photo, en slip de bain, recouvert de sable. Laura, la bouche grande ouverte, laissant échapper un cri de joie. Mon petit bout avec ses dents du bonheur, ses petits pieds, son nombril creux. C'est Laura, ma fille, ma blanche colombe, mon trésor. À côté, bas haut, droit comme une tige, la bouche et les yeux fermés, faisant le zouave, tirant la langue, c'est mon fils aussi. La mer derrière, bleu-grise, et les tas d'algues immenses, comme des bobines de pellicule photo qui auraient échoué là, sur les grains humides, prêtes à être englouties par la marée. Mes souvenirs, avalés par le temps. L'image est déchirée sur le côté. Elle était comment déjà la photo intégrale ? Bao ? Oui, c'est moi. Comment va mon agneau ? Qu'est-ce que je t'apporte demain soir ? Oh, je sais pas. Des huîtres ? Oh, j'aime pas ça, les huîtres. Tu sais. Ah, je pensais que si. Maryse, tu te souviens pas de mon intoxication l'année où on avait fait Noël sur la plage ? Ah non, j'avais oublié. Ah si, bien sûr. Bon, alors, non, pas d'huîtres. Hors de question, oui. Bon, ok, maman. Foie gras, hein ? C'est meilleur. Parfait. Et dis à ton autre maman, ta maman vietnamienne, de venir aussi. Je dois filer au supermarché faire les courses. Je me dépêche. À demain, mon petit Bao, je t'embrasse. Oui, à demain. Ta barbe piquait beaucoup. Quelle bataille il avait fallu mener pour te réconcilier avec le rasoir. C'était notre rituel à nous. Le tourne-disque tournait, on poussait le volume au maximum, et Elvis Presley chantait. But I... Je passais la lame sur ta peau, lentement, tout en douceur. Lorsque tu rouvrais les yeux, tu avais changé de visage. Tu ne te reconnaissais plus. Étais-tu rasé cet été-là sur cette plage à côté des enfants ? Souriais-tu comme Laura ? Ou bien fronçais-tu les sourcils comme Bao à cause du contre-jour ? De quoi as-tu l'air sur le reste de cette foutue photo ? Bonjour, monsieur. Bon, alors, je vous prendrai 1 kilo de bananes. 2 kilos de pommes. Puis cette barquette de fraises, là, elle a l'air superbe. Une salade verte. Et des légumes à pot-au-feu. Qu'est-ce qu'il faut déjà ? Oui, des navets. Des carottes, des pommes de terre, des poireaux, voilà. Et mettez-moi un peu de tout. Non, retirez-moi les pommes, ça risque d'être trop lourd. À la place, je prendrai une gousse d'ail, c'est plus léger. Ah, ça, l'ail, il ne faut pas en manger trop souvent si on veut avoir une petite chance de se faire embrasser. De se faire embrasser ? Oui, pardi, de se faire embrasser, ma belle dame. À moins que votre mari mange de l'ail aussi. Dans ce cas, tout ira bien. Mon mari ? À moins que vous ne soyez célibataire. Mais vous portez une alliance, alors j'ai pensé que... Enfin, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ça vous fera 14,60€, s'il vous plaît. Voilà. Votre monnaie. Un jour, tu as disparu. Je ne me souviens plus quand. Je ne me souviens plus pourquoi. J'ai des petits problèmes de mémoire. C'était peut-être après cet été-là. Étais-tu parti nager au large ce jour-là, au-delà des bouées? Nous étions nous disputés. Perdu, le reste de la photo. Un bout d'image déchiré. Demain, ce sera la fête de la naissance de Jésus, du petit enfant aux allures d'ange sage et nu. Une dinde au marron, un pot-au-feu, du vin blanc, du saucisson, de belles assiettes, des serviettes en dentelle, des bougies par milliers, des confettis, du papier crépon, la famille, la mélancolie, la solitude envolée, ensemble, réunis autour d'une grande table. Ça sentira le sapin, le feu brûlera, comme nos mauvais souvenirs dans la cheminée. Allez, Macha, ouvre. C'est quoi, Macha? Mais je ne sais pas, c'est le Père Noël qui a choisi. Mémorie. Bien joué, Manu. C'était Vivant de Leslie Menahem, épisode 4, Mémorie. Avec Maryse Brigitte Barillé, Macha Fleur Sulmont, Laura Leslie Menahem, Bao Slimane Yefsa, le marchand Thomas Dahl, et les voix de Jeanne et Ephraim. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Éric Boissé et Lidoune Caron, assistante à la réalisation Clémence Grosse, réalisation Sophie Haute-Picon.